aujourd'hui, dans la méthode scientifique, on déboutonne le chemisier, on respire doucement, on relâche la pression et on se demande scientifiquement quelles sont les preuves que l'on peut apporter sur l'efficacité de la méditation et de l'hypnose. Une fois qu'on est bien détendu, eh bien on prend un papier, un crayon, un écran, un solide, bref, n'importe quel objet mathématique pour célébrer la semaine des maths qui commence à partir de lundi. Et enfin, bien détendu et bien mathématisé, nous serons parés pour résoudre les équations de la relativité générale qui prévoient l'existence des trous noirs en attendant de pouvoir les observer directement. Méditation et hypnose, semaine des maths et trous noirs, ce sont quelques-uns des sujets que nous allons développer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous emmener dans ce voyage intérieur et vers cette retraite scientifico-intellectuelle et marcher évidemment vers la lumière, nos gourous du jour sont Caroline Tourbe. Bonjour Caroline. Bonjour. Chef du pôle santé médecine de notre partenaire chéri, le magazine Science et Vie. Bonjour Roger Mansuy. Bonjour. Enseignant en maths et en informatique au lycée Louis le Grand, chroniqueur dans le magazine La Recherche. Et Sylvain Guilbeault, bonjour. Bonjour. Journaliste vulgarisateur kamikaze dans le même magazine La Recherche. Mais avant cela, elle est notre mandarome à tous. Notre messie cosmique sur les voies de l'illumination scientifique, la mère stellaire de toutes les actualités de la recherche. C'est Zoé Sfès pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et pour commencer cette semaine, la publication d'un nouveau scénario pour expliquer la forme de la comète Tchoury. Une forme, donc cette comète, cette fameuse comète qui serait née d'une collision très violente entre deux fragments de comète dans un passé certainement plus récent que ce que l'on pouvait penser jusqu'à présent, Zoé. Ce scénario publié ce lundi 5 mars dans la revue Nature Astronomy par une équipe internationale dirigée par le français Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, vient remettre en cause le scénario qui faisait jusqu'ici consensus largement, puisqu'il est statistiquement plus probable. Alors, en effet, la thèse communément admise jusqu'ici pour expliquer la forme si particulière dite bilobée de Tchoury, ou alors on dit canard de bain, parfois quand on veut être un peu plus précis. Ou cacahuète, explorée donc par Rosetta et Philae, son atterrisseur, pendant 2 ans, était la suivante. Tchoury serait née de l'agglomération de 2 morceaux de comète qui se sont percutés à faible vitesse et se sont soudés. Un scénario tout en douceur, qui n'a pu se produire que dans la première phase du système solaire, c'est-à-dire il y a plus de 4 milliards d'années. C'était ça, donc, l'âge supposé de la comète Tchoury. Et c'était d'ailleurs à ce titre qu'elle intéressait beaucoup les chercheurs. Oui, mais restait une question de taille. Comment Tchoury a-t-elle pu survivre à peu près intacte pendant 4 milliards d'années, alors que les collisions sont légion dans la fameuse ceinture de Kuiper? Patrick Michel a donc tenté d'imaginer un autre scénario, bien plus violent, mais tout en gardant en tête que Tchoury est une comète très poreuse et très volatile. C'est parti du fait que j'avais fait beaucoup de simulations numériques d'impact et de collisions entre astéroïdes, des collisions à haute vitesse, hein, c'est 5 km par seconde, la rencontre entre deux astéroïdes, pour les comètes c'est plutôt de 1 km par seconde. Et j'avais déjà fait des simulations qui montraient que quand deux corps se rencontrent à très haute vitesse, ils commencent par se pulvériser en petits fragments. Et en fait, ce qu'on a vu dans les simulations numériques, qui était une grande surprise à l'époque, c'est que ces fragments, même s'ils sont éjectés à haute vitesse, leur vitesse relative, c'est-à-dire la vitesse entre eux, peut être suffisamment faible pour qu'ils sentent leur attraction et que ça les fasse se réaccumuler pour former des agrégats. Et effectivement, je trouvais des formes qui pourraient éventuellement s'accorder avec la forme de Tchoury. Finalement, ça montre qu'il y a un autre scénario pour faire rencontrer les corps lentement. Par contre, ce dont j'étais pas sûr, c'est est-ce que quand on applique ça à deux comètes, l'énergie de l'impact est telle qu'on va chauffer le matériau et du coup, on va perdre les volatiles et voire même perdre la porosité parce qu'on va écraser tout. Donc c'était ça qu'on a voulu vérifier. Et donc quand on a fait nos simulations numériques de collision entre comètes, eh bien on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a très peu d'échauffement qui est produit aux vitesses standards entre comètes. Et donc on garde les volatiles, on garde aussi la porosité. Finalement, on avait respecté toutes les contraintes. Ça a 2 implications, que Tchoury n'a pas besoin, en termes de structure, d'être née il y a très longtemps. Donc, on soulage le problème de la garder vivante pendant 4 milliards d'années. Et puis, l'autre chose, c'est que la matière, elle reste primitive. Voilà, ce scénario de Patrick Michel, il suppose que Tchouri, sous sa forme actuelle, est donc beaucoup plus jeune que ce que l'on imaginait jusqu'à présent, et qu'elle serait surtout née très rapidement, en quelques heures à peine. En quelques heures à peine, ces collisions, ça se passe dans un temps très court. Alors autant dire que ce scénario, quand Patrick Michel a commencé à le présenter, a, on peut le dire, un peu agacé, notamment les membres de l'équipe de la sonde Rosetta et de son atterrisseur Philae, inquiets en fait de voir la comète perdre peut-être son statut de témoin des premiers âges de notre système solaire. Patrick Michel a beaucoup rassuré, alors on l'a entendu sur ce point. Si Tchouri est jeune, sa matière, elle, reste primordiale. Quand j'ai demandé son avis sur ce scénario à Francis Rocard, responsable programme système solaire au CNES, qui a travaillé sur la mission Rosetta, il a insisté sur ce point et il reste, vous allez l'entendre, assez prudent sur ce nouveau scénario. Ça remet partiellement en question le côté primordial de la comète, partiellement seulement, puisque il démontre via son modèle que l'échauffement qui a lieu pendant la collision n'est que très local et que l'essentiel de la comète n'est pas beaucoup échauffé. Et ça, c'est fondamental, puisque si la comète avait beaucoup chauffé, elle aurait perdu, en tous les cas, son oxygène, qui était une découverte tout à fait surprenante, et aurait même perdu son eau. Or, évidemment, il y a plein d'eau dans la comète Tchouri. Donc, c'est un modèle qui est un peu dérangeant, au sens où ça va à l'encontre du consensus actuel pour la formation de Tchouri. Je rappelle quand même que un des arguments forts du modèle antérieur, c'était d'avoir étudié l'empilement tel des pelures d'oignons, des couches de stratification qui existent sur les deux lobes de la comète Tchouri, et étudier si ces couches sont horizontales, et si elles sont horizontales dans la comète actuelle à deux lobes, par rapport à une horizontalité en supposant les deux lobes séparés l'un de l'autre. Et en fait, un argument très fort, c'est qu'on s'est rendu compte que les couches en pelure d'oignon sont horizontales quand les deux lobes sont séparés l'un de l'autre. Et ça pousse vers l'argument qui est de dire, donc il y a eu deux comètes qui se sont percutées à vitesse lente et qui se sont collées l'une à l'autre. Donc, comment expliquer cette observation qui est relativement forte? Je trouve que le débat va être intéressant. En bref, et dans l'espace toujours, SpaceX a réussi le 50e lancement de sa fusée Falcon 9. La firme d'Elon Musk, après l'énorme succès, on peut le dire, du lancement de Falcon Heavy, a réalisé mardi le 50e lancement de sa fusée Falcon 9 pour transporter un satellite de télécommunication espagnol en orbite géostationnaire, donc à 36 000 km d'altitude. Il pèse 6 tonnes et pratiquement la taille d'un bus de ville. C'est le satellite géostationnaire le plus imposant jamais lancé par SpaceX. En revanche, pas de récupération de la fusée réutilisable pour ce lancement, puisque je rappelle que c'est la spécialité de Falcon 9 et à cause des mauvaises conditions météo. Et la France va renforcer la surveillance des risques sanitaires dans le domaine des épidémies animales. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a signé vendredi avec le PDG de l'INRA et le directeur général de l'ANSES un accord issu des états généraux de l'alimentation et inspiré du concept One Health défendu par l'OMS depuis plusieurs années, qui vise à renforcer la surveillance sanitaire dans les domaines de la santé des végétaux, des animaux, la sécurité sanitaire des aliments. 60% des maladies humaines sont d'origine animale, rappelle cet accord. Deux plateformes d'épidémio-surveillance en santé végétale et en sécurité de la chaîne alimentaire vont être mises en place. Et la plateforme en santé animale créée en 2011, l'ESA, qui avait notamment permis la meilleure gestion de la grippe aviaire, elle va être consolidée. Et puis, eh bien, si vous aimez bien les arbres et qu'il y a des frênes près de chez vous, vous pouvez bien participer à un grand programme de sciences participatives pour repérer les frênes sains, Zoé. Les promeneurs, les randonneurs, les amoureux de la nature en forêt, mais aussi, et c'est important de le dire, en ville, vont être sollicités d'ici la fin de l'année par une application dans cette lutte drastique contre la maladie du frêne, la calarose, maladie qui provoque dessèchement des branches du frêne dû à un champignon qui est originaire d'Asie, qui rentre par les feuilles et qui nécrose le tronc. Cette maladie a été décrite en Europe pour la première fois dans les années 90 et elle est arrivée en France en 2008 seulement, mais elle est vraiment en train de décimer les frênes en France. Seuls 3% d'entre eux seraient résistants à cette maladie. Et le but, évidemment, c'est de les identifier pour mener des croisements génétiques et renforcer des futures souches et tenter donc de sauver cette population. C'est ce que m'expliquait hier Arnaud Dovkiv de l'unité INRA, biologie intégrée pour la valorisation et la diversité des arbres et de la forêt. Nous, notre objectif, c'est donc de répondre à certaines questions préliminaires qui sont existe-t-il une variabilité génétique pour la résistance à la calarose chez le frêne? Si oui, est-ce que cette résistance est transmissible et à quel degré à la génération suivante? L'approche participative, elle se justifie, je dirais déjà pour des raisons morales. Quand on commence à fermer certaines forêts, comme le fait l'ONF dans le Nord, interdire l'accès aux randonneurs, parce que les frênes deviennent dangereux, parce qu'ils peuvent tomber. Donc, la science participative, c'est déjà, avant tout, un moyen d'expliquer ce qui se passe. Et fréquemment, quand je fais des conférences sur la calarose, j'ai des sollicitations, pas forcément du grand public, mais de personnes qui sont déjà sensibilisées à la nature, qui me disent, dans tel site, j'ai repéré un frêne qui a l'air intéressant, puis il n'a pas l'air d'avoir de calarose et tous ses voisins sont malades, parce que c'est bien ça la définition d'un frêne résistant. Et le problème, c'est que j'ai pas le réceptacle pour ça. Donc il y a un besoin qui vient du terrain, en fait, d'avoir un réceptacle pour collecter cette information sur les frênes résistants. Après ça, le traitement de la calarose en milieu forestier est relativement bien fait. Mais qu'en revanche, alors qu'on trouve du frêne partout ailleurs, dans les paysages ouverts, à la campagne, en ville, et bien dans ces milieux-là, il y a un déficit à la fois d'information et de réaction. Donc l'idée, c'est via cette application, et bien de faire en sorte que les acteurs locaux de milieux non forestiers puissent aussi participer au traitement de la problématique calarose du frêne. En bref, il n'y aurait pas deux formes de diabète, mais cinq, Zoé. C'est ce qu'affirment des chercheurs suédois au terme d'une très très vaste enquête sur plus de 10 000 diabétiques dans un article publié cette semaine. Alors jusqu'ici, je le rappelle, on considère qu'il y a deux groupes, deux types de diabète. Le diabète de type 1, maladie auto-immune découverte chez des patients jeunes, qui représente 10% des cas, et celui de type 2, qui touche un peu tous les autres cas de diabète. Mais les chercheurs suédois proposent de distinguer au sein même de ce diabète de type 2 quatre catégories, deux formes sévères, un diabète insulino-dépendant sévère où les patients manquent d'insuline qui apparaît tôt, un diabète insulino-résistant sévère lui aussi lié au surpoids et où l'insuline on répond mal à l'insuline, et deux autres formes beaucoup plus bénignes liées l'une au surpoids pour la première fois et à l'âge pour la deuxième. Et pour conclure comme chaque semaine par notre rubrique de science improbable, les tatouages ne sont pas indélébiles, voilà qui va faire plaisir à ma mère. Mais oui, c'est une info passionnante alors qui n'a pas grand intérêt à part pour votre mère Nicolas ou pour développer des nouvelles méthodes un peu plus indolores de détatouage, mais quand même assez fascinante. Pourquoi ? Parce que on a toujours pensé que les tatouages teintaient les cellules du derme de la peau, les fibroblastes, et qu'une fois qu'ils étaient là, ils ne bougeaient plus. D'où la nécessité d'ailleurs de brûler ces cellules quand on veut se détatouer, n'est-ce pas Nicolas ? Je sais que vous n'y pensez pas, mais peut-être un jour, qui sait ? Hors de question. Voilà, or on découvre que c'est en fait les macrophages de la peau, des cellules immunitaires spécialisées dans le derme, qui engloutissent le pigment du tatouage, comme ils le feraient normalement avec un agent pathogène envahisseur ou un morceau de cellules mourantes. C'est leur job. Oui, mais ces cellules, elles ne cessent de se renouveler, elles meurent. Alors comment donc un tatouage peut-il rester en place ? Grande question auxquelles cette étude apporte une réponse. Étude qui a programmé des souris génétiquement modifiées avec des cellules qui mouraient très vite. Et malgré la mort programmée de ces cellules macrophages, l'apparence du tatouage ne change pas. L'équipe a donc conclu que les macrophages morts libèrent le pigment dans la zone qui les environne et qu'au cours des semaines suivantes, c'est la cellule suivante qui naît qui le récupère. Donc en fait, ce tatouage, il bouge à l'intérieur même de vous, Nicolas. Est-ce que ce n'est pas émouvant ? Bon, moi, ça m'émeut assez, mais c'est ma mère qui va être très triste. Merci beaucoup, Zoé. Un petit tour de table sur ces différents éléments du journal des sciences. Caroline, je sais que vous êtes sensible aux questions liées au diabète, auxquelles vous avez consacré plusieurs dossiers, peut-être. Oui. Le diabète et aussi le frêne, en fait. Sur le frêne, je suis très sensible au frêne. Au frêne aussi, parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est visible, qu'on voit dans les forêts, qu'on voit autour de nous. La maladie du frêne, c'est quelque chose de fulgurant, qui gagne du terrain. Donc je trouve l'initiative et l'intérêt de la science participative dans ce genre de situation vraiment très pertinent. Voilà, donc c'est juste ça, je vais télécharger l'appli, en gros. Voilà, et pour on le va diabète, vous mettre le lien évidemment sur le fil Twitter de l'émission. Alors, elle n'est pas encore prête, mais elle arrive pour l'été, essentiellement. Pour l'été, très bien, c'est très bien. Annoncée lors du salon de l'agriculture. Et pour le diabète, oui, il y a vraiment des tas de mystères autour du diabète de type 2, principalement. Le diabète de type 1 aussi, mais le diabète de type 2, on est vraiment en train de le découvrir et on est vraiment en train de le découvrir à l'occasion du nombre de personnes qui sont touchées par le diabète de type 2 pour des tas de raisons. Donc là, la façon dont les chercheurs ont organisé ces différentes catégories est assez logique, hein, puisque ça a plutôt à voir soit avec l'âge, soit avec le poids. Mais il y a aussi des recherches en génétique. On essaye de voir s'il n'y a pas des profils génétiques différents. Donc il y aurait une manifestation clinique assez proche, mais en fait, l'histoire qui amènerait à devenir diabétique serait, elle, très différente. Donc c'est vraiment un champ de recherche hyper dynamique. Hein. Le diabète de type 2, il va se passer des choses dans les années qui viennent. Vraiment, je pense qu'il va être redéfini totalement cette maladie. Oui, on en avait déjà reparlé autour de cette table et puis on avait consacré une émission aussi entière à ces questions du diabète. Sylvain, peut-être un mot sur la formation de Tchouri. Ça vous intéresse, ça vous émeut, ça vous interroge. Vous êtes aussi un peu résistant à cette nouvelle version. J'aurais du mal à trancher le débat. Non, mais c'est vrai que c'est une étude qui, on l'a vu, a fait beaucoup parler dans la communauté. Et c'est intéressant de voir que Rosetta, donc cette mission qui s'est terminée il y a maintenant plus de 2 ans, continue toujours à alimenter le débat et c'est pas encore fini, ne serait-ce que les résultats qui sont toujours en cours d'analyse sur cette comète. C'est intéressant à double titre, cette question, d'une part, c'est-à-dire cette question de comment s'est formée cette comète en particulier, d'une part pour savoir qu'est-ce qui se passait exactement au tout début du système solaire, quelle était la dynamique des objets en question. On voit que on sait pas encore bien, finalement il y a des scénarios différents qui sont en concurrence et c'est intéressant pour la dynamique du système solaire naissant et c'est intéressant pour la comète elle-même puisque sur cette comète on a trouvé plein de choses intéressantes, en particulier des molécules carbonées complexes avec des atomes de carbone, des longues chaînes carbonées. Savoir à quelle période exactement se sont formées ces molécules, c'est un peu crucial pour le devenir du système solaire. Puisqu'on a même trouvé dans le dégazage de la comète un acide aminé, donc les premières briques du vivant. Roger Mansuy, est-ce qu'il y a des éléments de ce journal des sciences qui attirent votre attention, votre curiosité? Alors le Tchouri aussi, parce que les images ont un peu fasciné tout le monde. Il y a un côté géométrique et qui est assez amusant dans cette comète. Alors on dit le canard tout à l'heure, le nœud papillon, selon comment on le regarde. Ou la cacahuète, je précise la cacahuète. Nicolas, vous tenez à la cacahuète. Je tiens à la cacahuète de Tchouri. La naissance d'une forme, les propriétés d'une forme, c'est quelque chose qui est assez amusant. Et le voir sortir en dehors d'un contexte théorique et dans un contexte vraiment pratique, réel, c'est toujours un peu fascinant. Comme quoi, évidemment, les objets mathématiques sont partout autour de nous et vous allez nous en parler dans quelques instants, puisque je rappelle qu'à partir de lundi, c'est la semaine des maths. Mais avant cela... Now count backward from 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5... La méthode scientifique. 4. Nicolas Martin. What comes after 4? 2. At the count of 3... You will awaken and remember nothing. Et oui, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes détendu, vous nous écoutez confortablement, calé dans votre fauteuil et ça va. Oui, ça va même très bien. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas senti bien depuis aussi longtemps, détendu, apaisé, tout à fait prêt à entendre que la méditation et l'hypnose peuvent être évaluées de façon scientifique. Et que cette évaluation est loin d'être tout à fait simple à faire, Caroline. Et pourtant, vous vous êtes lancée ce mois-ci dans ce chantier périlleux d'évaluer scientifiquement des pratiques qu'on qualifie plutôt de pseudo-scientifiques dans la plupart des cas. Ou en tout cas, je continue sur votre auto-hypnotique. On va faire de l'ASMR. Alors voilà. Oui, on s'est lancé dans le magazine Science et Vie. Un défi, mais que beaucoup de scientifiques se sont lancés aussi. C'est d'essayer d'objectiver une expérience qu'a priori, on pense totalement subjective. Alors je ne sais pas si vous avez réellement suivi une séance d'hypnose. Jamais. Je l'ai fait. J'ai fait une séance d'hypnose une fois avec un hypnothérapeute qui par ailleurs enseigne à des médecins l'hypnose thérapeutique. Et c'est extrêmement perturbant, c'est-à-dire que je fais partie des gens qui répondent à l'hypnose, donc je me suis retrouvée dans une situation de détachement, dans une impression d'être dans une bulle intérieure, qui sont parmi la définition de l'hypnose, c'est des points importants. Et j'ai eu cette expérience que j'ai racontée évidemment autour de moi, et on était clairement dans le subjectif, hein, voilà. Et les gens qui ne l'avaient pas vécu voyaient pas bien ce que je voulais dire. Donc la science, elle s'intéresse à ce qui peut être objectivé le plus possible, et il y a beaucoup de choses sur la méditation. Peut-être commencer par ça, détacher, c'est ce que vous faites dans le dossier, commencer par la méditation plutôt. Mais peut-être déjà, on peut commencer à dire qu'il y a en tout cas, c'est une information objective, un regain d'intérêt pratique et même scientifique pour ces pratiques. Le nombre de publications, par exemple, autour de la méditation a été multiplié par 10 en 15 ans. C'est-à-dire que effectivement, la science essaie d'appréhender ces objets un peu complexe ou difficilement définissable en des termes scientifiques, y compris d'ailleurs, à l'université, en médecine, en complément de l'anesthésie, bref. Il y a vraiment un intérêt pour, en fait, ce qu'on va appeler, ce que eux appellent des états de conscience modifiés. Parce qu'on est clairement dans un état qui n'est pas de la veille, qui n'est pas du sommeil non plus. On est dans un état de conscience modifié. Dans le cas de la méditation, et peut-être je peux faire un peu expliquer la grosse différence, ce serait que la méditation, la définition de l'état de conscience, c'est qu'on est hyper attentif à tout ce qui nous entoure et à tout. On est dans une attention très ouverte, alors que l'hypnose, on est dans une attention très focalisée sur l'intérieur, cette fameuse bulle intérieure dans laquelle on serait. Donc voilà pour les états de conscience, les définitions des mots qui ont l'air, pareil, un peu flou, un peu subjectif. Après, quand la science s'intéresse au sujet, vous le disiez, il y a un foisonnement d'études. La complexité, c'est que toutes les études ne sont pas suffisamment étayées ou elles ne comportent pas suffisamment de participants pour pouvoir avoir des conclusions ferme, mais elle montre, il y a des indices qui sont très clairs. Et sur la méditation, en plus de ce qu'on a découvert récemment sur les modifications des activités cérébrales, les modifications de la plasticité, on arrive à aller jusque dans les cellules et même à supposer qu'il y ait des transformations épigénétiques, c'est-à-dire de la chimie qui entoure les molécules d'ADN. On arrive à faire un lien qui va aussi profondément à l'intérieur de l'organisme en partant de la méditation, qui est quand même donc qui a des centaines et des centaines d'années, ou qui est entourée aussi de tout un ésotérisme, ou aussi de toute une qui véhicule des idées religieuses, de spiritualité. Certaines formes de méditation, certaines et pas d'autres. Exactement. Voilà. Alors c'est à l'origine tibétaine. Pour les Tibétains, il n'y a pas une méditation, il y a au moins 80 000 types de méditations différentes. Alors je vous explique pas, quand on est scientifique et qu'on se dit bon, alors par où je commence, qu'il y a un type de méditation notamment qui est très étudié, qui est un peu l'animal de laboratoire de la méditation pour les chercheurs, qui est la méditation de pleine conscience. C'est une méthode très spécifique sur plusieurs semaines, on pratique, voilà. Qui est porté par Christophe André, qui a fait des chroniques sur France Culture notamment. Voilà, donc c'est ça qui est étudié en laboratoire pour savoir ce qui se passe dans un corps, et dans un cerveau et dans un corps, quand la personne est en état de méditation. Ce qu'il faut dire, parce qu'effectivement, vous le dites, c'est les études qui sont publiées sont des études compliquées à faire sur en termes de pure méthode scientifique, parce qu'on peut pas faire d'essais randomisés en double aveugle, ce qui est la méthode classique pour démontrer l'effet ou non d'une substance, d'un produit, d'un médicament, parce qu'on est sur des expériences intérieures, sur du ressenti, que personne ne peut douter ici autour de cette table avec l'approche scientifique que l'on est à même d'espérer sur ce type de pratique. Que, eh bien, quand on médite, quand on pratique la méditation, quand on est sensible à l'hypnose, ça produit un effet, donc on ressent cet effet, personne n'en doute. La question, c'est qu'aujourd'hui, ces pratiques-là sont qualifiées comme pseudo-sciences parce qu'elles ne répondent pas à un cahier des charges effectivement scientifique et à des résultats qui sont estimables strictement, stricto sensu, d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire on peut dire effectivement ça a cet effet-là. En fait, il y a aussi, c'est ce que vous dites, il y a un objet d'étude scientifique, fondamental, et puis un objet d'étude médicale, donc avec une application thérapeutique. Pour ce qui est de l'application thérapeutique, on est vraiment confronté, dans le cas de la méditation et de l'hypnose, quand on fait de la biblio et qu'on essaye de trouver des études et de voir quel est le niveau de preuve pour les applications, on est vite confronté à la qualité des études ou à leur faible nombre sur certaines indications. Donc c'est vrai que le dossier que nous on a fait, les gens avec lesquels on a discuté, on est très loin du fan club, hein. C'est pas un dossier fan club, c'est-à-dire que beaucoup de gens nous ont dit c'est même quelque part ne pas rendre service à la méditation et à l'hypnose et à l'intérêt que ces deux méthodes ont en thérapeutique d'en faire les méthodes qui serviraient à tout et qui seraient d'ores et déjà démontrées comme étant extrêmement efficaces. On est en chemin, il y a des choses qui sont des indices, encore une fois, qui montrent qu'il y aurait une efficacité, mais on n'est pas sur des choses qui sont définitivement démontré, le niveau de preuve n'est pas très élevé la plupart du temps. Néanmoins, on peut dire, et on peut se dire qu'effectivement, pour prendre la méditation par exemple, se poser, évidemment, quand on médite ou quand on est dans ces états de conscience altérés, ça a des effets qui sont quantifiables en IRM, fonctionnels, en scanner, on le sait, on voit que ça change effectivement l'activité cérébrale, il n'y a pas de doute là-dessus. De même qu'on peut tout à fait dire qu'il n'y a pas de doute à se dire que quand on se pose sans bruit, au calme, et qu'on médite, ça fait réduire les niveaux de stress, et que réduire les niveaux de stress, c'est forcément, à un moment donné, ça a une action positive sur l'organisme. Ça, c'est quelque chose qu'on peut attester. C'est quelque chose, en fait, c'est le chemin, encore une fois, entre ce qui est, ce qu'il y a. Il y a des études qui sont allées repérer s'il y avait des différences de marqueurs biologiques chez les gens qui étaient des méditants expérimentés, qui avaient plus de 10 000 heures de méditation derrière eux, qui est vraiment des gens qui sont des grands pratiquants de la méditation. Et chez eux, on voit qu'il y a des marqueurs biologiques de l'inflammation et du stress qui sont en effet moins présents que chez d'autres personnes qui ne méditent pas. Elles ont, c'est des personnes aussi dont on s'est aperçu que dans le cœur de leurs cellules, les télomères, la téloméra, qui est une enzyme qui s'occupe des petits chapeaux qui sont au bout de nos chromosomes, qui sont des indicateurs, certes, des indicateurs du stress et du vieillissement. Mmh. Bon, et ben, en gros, ils avaient, si je résume, ils avaient des cellules un peu plus jeunes que les autres. Donc on constate ça c'est très très soumis. Tout à fait. Parce qu'il y a d'autres marqueurs du vieillissement cellulaire. Donc en tout cas, pour ce qui est de la télomère, voilà, on a vu qu'il y avait des différences. Ces différences-là, elles sont constatées. Mmh. On constate également qu'en effet, en état de méditation, on a des zones cérébrales liées au stress qui sont moins activées, d'autres qui sont en détachement par rapport aux émotions qui le sont plus. Donc on a ces deux, on a les deux bouts de l'histoire, et ce qui se passe au milieu, c'est vraiment ça qu'on essaye d'écrire. C'est pas parce qu'on a trouvé des différences de marqueurs biologiques chez les méditants que c'est bien la méditation qui fait ça. Généralement, les gens qui sont des méditants professionnels ont un mode de vie aussi différent. Donc c'est difficile, il va falloir faire des études en fait de suivi. Bien sûr. Des études où on dirait vous, Nicolas Martin, qui n'avez jamais médité, qui ne méditerait jamais, on va vous suivre, alors que moi, mais par exemple, moi, je vais me mettre à méditer, et dans 10 ans, on fait un point sur nos télomères. Mais par exemple, un point sur moi, Nicolas Martin, qui ne médite pas, ça ne m'empêche pas, par exemple, de partir le week-end à la campagne, de me mettre dans une chaise longue avec un roman. Et on ne fait pas d'études sur ma télomérase et sur l'effet de la réduction du stress d'être à la campagne avec un roman dans une chaise longue. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il peut y avoir des études de comparaison entre la méditation et, par exemple, les thérapies comportementales. Dans le cas de l'anxiété ou dans le cas de la dépression, il n'y a pas cette fameuse étude contre placebo. Mais par contre, on va utiliser... On ne peut pas faire de placebo dans des études sur la méditation ou l'hypnose. Non, c'est des médecines alternatives sur lesquelles il y a un problème pour le placebo. Donc, on prend le traitement de référence. Donc, par exemple, en effet, sur certains troubles anxieux, ça peut être les thérapies comportementales. Ça peut aussi être les médicaments dans le cas de la dépression. Et on compare. Et là, on s'aperçoit quand même que la méditation... Les techniques de méditation de pleine conscience dont je vous parlais, ont un effet comparable, le résultat clinique est comparable à certaines thérapies comportementales et à certains traitements médicamenteux. Donc là, on est quand même... Là aussi sur des échantillons très faibles. Très faibles, mais c'est quand même pas quelque chose qui semble être lié à un simple... relâchement, le fait d'être simplement sur sa chaise longue tous les week-ends ne serait pas comparable au fait de pratiquer la méditation avec une méthode vraiment qui vous met dans un état de méditation ou d'hypnose. Donc voilà, il y aurait vraiment atteindre un état de conscience modifié précis qui pourrait permettre d'avoir un effet précis. Voilà. Au conditionnel, vous avez bien entendu. un mot aussi quand même sur l'hypnose, parce que pour le coup, l'hypnose est peut-être un peu plus nébuleuse que ne l'est la méditation, dont on peut reconnaître effectivement qu'elle fait réduire le niveau de stress, et que réduire le niveau de stress est forcément plutôt bénéfique pour le corps et pour l'esprit, et pour effectivement les états d'anxiété, de dépression, etc. Sur l'hypnose, pour le coup, on a là aussi indiscutablement des effets au scanner et à l'IRM fonctionnel. On voit qu'effectivement, les personnes qui sont répondantes à l'hypnose présentent une activité cérébrale distincte. Mmh. Oui. Ça, c'est établi. C'est établi, on le voit. Et ce qu'on voit en termes d'application, il y a quelque chose qui commence à être bien connu, hein, qui est l'utilisation de l'hypnose contre la douleur aiguë, c'est-à-dire les douleurs opératoires notamment, ou post-opératoires. Et là, on s'aperçoit... En complément, il faut préciser là aussi, en complément de l'anesthésie locale. Hein. Jamais en substitut. Ça n'est pas le truc magique où l'hypnothérapeute vous met dans un état de transe et on vous ouvre le cerveau et voilà. Non, c'est pas comme ça. Et on vous arrache les dents de sagesse. Dans le nez, c'est pas comme ça. Déjà, attacher les dents de sagesse avec le dans le nez, ça complique la tâche du chirurgien. Mais là, ce qui est clair, c'est que par contre, quand en effet vous avez des antalgiques, des antidouleurs, quand on compare les gens qui font de l'hypnose, qui sont accompagnés par un hypnothérapeute ou pas, on s'aperçoit que la dose d'antidouleur qui est prise peut-être diminue. Voilà, peut-être diminuer, et de façon importante. Donc il y a quelque chose qui permet, en étant dans cet état de conscience modifié, d'avoir non pas forcément moins de douleurs, mais c'est vraiment ce qu'on voit, et notamment ce qui est corroboré par les études sur l'activation cérébrale, le lien émotionnel entre la douleur et et nos émotions, il est plus faible. Or, il y a aussi à voir avec l'anxiété liée à la douleur. On est moins anxieux et la douleur provoque moins l'accompagnement psychologique de la douleur et moins marqué. Résultat, c'est quand même une thérapie, l'hypnose, qui est proposée au bloc opératoire dans des grands hôpitaux. En complément des anesthésies. Donc ça permet d'alléger l'anesthésie, ça permet d'alléger les antidouleurs, donc les effets secondaires aussi de ces médicaments. C'est intéressant de prendre moins de médicaments et de prendre le contrôle sur sa douleur aussi. Alors il faut préciser déjà que tout le monde ne répond pas de la même façon à l'hypnose. Non. Et que les chiffres ne sont pas très éloignés des chiffres de l'effet placebo. On est à 15% de gens qui ne répondraient pas du tout. 15% de gens qui répondraient très très bien et un gros ventre mou, 70% de gens qui répondent plus ou moins bien. Donc c'est quelque chose qui est... c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi très sulfureux, notamment parce que l'hypnose, actuellement, on le voit beaucoup à la télévision, les hypnoses de show, les shows sur l'hypnose, on le vend en poupe. Donc il y a quelque chose d'un peu phénomène de foire. Et ça, on est très très loin de ce que font les gens à l'hôpital. Et c'est vrai aussi que le niveau de preuve pour l'hypnose et sur beaucoup d'indications, notamment l'addiction à la cigarette. On entend beaucoup de gens qui essayent en se disant voilà, le niveau de preuve n'est pas bon. Aucune étude qui montre que ça fonctionne. Le niveau de preuve n'est zéro. Pas bon. Ça marche. En tout cas, ce qu'il faut préciser aussi, Caroline, et c'est important, c'est que l'appellation hypnose n'est pas régulée du tout. Donc n'importe qui peut se déclarer hypnothérapeute. Non, mais c'est important de le préciser pour les auditeurs. Il faut faire attention parce que dans le lot, il y a des gens qui ont certainement une pratique qui peut être une pratique hospitalière ou une pratique encadrée. Il y a aussi des charlatans. Oui, bien sûr. On est sur tout ce qui est médecine alternative, tout ce qui est thérapie alternative. Et là, vraiment, c'est vrai que ça peut être tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. C'est encore une fois, le dossier qu'on a fait ne dit pas du tout que c'est la panacée. Les chercheurs qui travaillent sur le sujet ont totalement conscience que c'est pas la panacée. Et par contre, ça n'empêche pas, en effet, d'avoir des résultats qui sont troublants. On s'aperçoit vraiment de choses intéressantes. Dernière chose sur l'hypnose. On peut dire que sur la base de 50 essais cliniques qui sont publiés entre 2000 et 2014, ce qui est rien du tout. Hein. En 15 ans, c'est rien. Mais néanmoins, les seuls effets aujourd'hui qui sont relativement attestés, c'est ce que vous avez signalé, c'est-à-dire l'accompagnement en bloc opératoire dans les cas d'anesthésie locale, uniquement, cas d'anesthésie locale. Oui, même ce qu'on voit, les opérations très impressionnantes avec opération du cerveau, l'anesthésie, elle est locale, c'est uniquement le scalp, en fait, qui est anesthésie. Ouais. Puisque pour les opérations du cerveau, il faut que le patient soit conscient pour savoir ce qui se passe quand on touche certaines zones. Et l'autre effet attesté, sur très peu d'essais sur une très longue période, donc tout ça avec beaucoup de pincettes, c'est dans la prise en charge de la maladie du côlon irritable. Voilà, pour l'hypnose, c'est ça, oui. Et pour la méditation, il y a des choses sur les risques de rechute dans la dépression. Ou alors, c'est pareil, le niveau de preuve, j'ai plus le nombre d'études précis, mais disons que c'est les choses, c'est les indications dans lesquelles les éléments sont les plus nombreux, les éléments de preuve sont les plus nombreux. Donc si vous avez envie d'arrêter de fumer, la conclusion, c'est que la volonté, c'est ce qui marche le mieux. Oui. Méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, maintenant que vous êtes bien détendu, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses, à savoir cette discipline qui ne sert strictement à rien. Dixit, un ancien ministre de l'Éducation nationale, je suis désolé Roger, m'en suis, mais bon, tout de même, c'est difficile de pas en parler. Les mathématiques, c'est la semaine prochaine, comme chaque année depuis 7 ans, maintenant c'est la 7e édition, la semaine du 14 mars. Donc depuis 6 ans en fait, hein, puisqu'on respecte la règle des intervalles évidemment. La semaine des maths donc, puisque le 14 mars c'est 3-14 en notation anglo-saxonne. Et 3-14 ce sont eh bien évidemment les trois premiers nombres de pi. On mesure l'importance que cette semaine a donc pu avoir en 2016. Ceci étant dit, Roger Mansuy, cette semaine a une saveur particulière puisqu'elle tombe peu de temps après la remise du rapport de Cédric Villani au gouvernement sur l'enseignement des mathématiques en France, qui est sévèrement sanctionné par plusieurs classements internationaux. Peut-être un mot sur ces classements pour commencer. Alors effectivement, les petits Français sont pas très bons en mathématiques si on regarde les classements TIMSS et PISA. Et c'est un constat qui est là pour le coup complètement unanimement partagé. On n'a pas des très bons résultats, on n'arrive pas à avoir les mêmes performances que des pays qui sont comparables en termes de développement ou en termes de stratification sociale. Donc on se pose des questions sur notre enseignement et ce rapport justement a fait une liste de constats et une liste de mesures. Mais paradoxalement, ce qui est quand même très curieux, c'est qu'on est mal classé sur l'enseignement des maths et pourtant on est très bon sur les prix. Je veux dire, une médaille Fields sur 5, un prix Abel sur 4. On a un très bon niveau d'excellence en mathématiques, mais pour autant, on n'enseigne pas très bien. Alors, il peut y avoir deux aspects un peu statistiques derrière. Le premier, c'est qu'on peut très bien former les gens qui sont les meilleurs et moins bien former le reste de la population. Et le deuxième, c'est qu'on aussi, les prix ne mesurent pas notre enseignement aujourd'hui, mais notre enseignement il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc, on ne peut pas se fier à l'information qui aura la médaille Fields, est-ce qu'un Français aura la médaille Fields cet été pour dire notre système éducatif est bon. Alors que justement, dans ce rapport, on lit beaucoup de choses. Quelles sont les grandes lignes du rapport Villani? Qu'est-ce qu'il préconise pour améliorer cet enseignement des mathématiques? C'est pas un sujet nouveau, ça fait quelques années qu'on sait qu'il y a un problème sur la façon dont on enseigne les maths, notamment chez les plus petits à l'école primaire. Alors effectivement, on arrive à une situation où tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a des problèmes. Et où certaines mesures font un peu consensus. Et ce rapport Villani-Torossian, ils sont deux oui, en fait, à piloter le comité, avait indiqué des mesures sur la formation des enseignants pour aider les enseignants, notamment les enseignants dans les classes primaires, à avoir une meilleure approche des mathématiques, a aussi appelé à généraliser des méthodes qui sont expérimentées aujourd'hui par un certain nombre d'enseignants pour passer à une échelle supérieure. Par exemple, quel type de méthodes ? Typiquement des méthodes un peu plus pratiques où on va aller d'une étape vraiment très pratique à une étape verbalisée puis à une étape qui sera vraiment abstraite, c'est-à-dire faire une progression. Regarder aussi la formation pas seulement initiale des enseignants, une formation continue qui serait dans le partage d'expérience, que des enseignants puissent visiter des collègues et discuter un peu davantage, avoir des lieux pour travailler. Il y a une histoire de laboratoire de maths pour les enseignants. Et puis, il y a d'autres mesures qui sont un peu plus standards et un peu plus qu'on imagine assez bien. C'est qu'il faut un peu revaloriser l'image dégradée des mathématiques qu'on peut avoir dans la société ou qu'on va avoir au niveau des études. Il y a quelque chose, en fait, surtout, et qui est, pour le coup, très français. On avait déjà parlé avec vous, on en a parlé plusieurs fois autour de cette table. C'est finalement la façon dont les mathématiques, surtout à partir du lycée, deviennent une matière de sanction, une matière d'élite, une matière qui, finalement, ne sert plus tellement pour l'apprentissage des mathématiques en tant que telle, mais pour définir qui fait partie de l'élite, qui fait partie des meilleurs élèves, qui va dans les bonnes classes, qui va dans les bonnes classes prépa des autres. La question c'est, est-ce que c'est un fait qui est construit ou est-ce que c'est simplement une volonté de départ? Je ne crois pas qu'il y ait de mathématiciens aujourd'hui qui disent on veut que les mathématiques soient la règle absolue de décision. Il se trouve que par rapport à d'autres disciplines, ça a été plus facile de se servir des mathématiques pour trier des élèves, pour classer des élèves. Maintenant, la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de trier et de classer comme ça à tout niveau les élèves? Et est-ce que les mathématiques sont vraiment le bon outil pour ça? C'est deux questions qui sont tout à fait pertinentes et qui sont discutées politiquement aujourd'hui de manière tout à fait raisonnable. On parle même dans le rapport Villani de modules de réconciliation avec les mathématiques. Oui, parce que contrairement à ce que disait le ministre qu'on citait tout à l'heure, on a besoin de mathématiques aujourd'hui. On a besoin de mathématiques à la fois pour faire du calcul, pour des opérations qu'on voit techniquement mathématiques, mais on a aussi besoin de mathématiques pour appréhender le monde et les perspectives scientifiques qu'on a aujourd'hui. Donc on ne peut pas laisser de côté des gens qui, sous prétexte qu'ils auraient eu un blocage à un moment avec les mathématiques, n'aurait jamais de formation mathématique. On en a besoin, donc il faut réconcilier les gens, il faut faire de la remédiation, il y a un certain nombre de noms qui sont autour, mais on a besoin que tout le monde ait suffisamment de maîtrise mathématique, non pas pour réussir des concours ou des épreuves, mais pour pouvoir être un citoyen du 21e siècle. Mais alors, comment faire pour éviter d'avoir en arriver à de la remédiation, pour effectivement sortir de cet enseignement très théorique qui est celui que pratique l'école française avec les mathématiques depuis longtemps? Alors, c'est plus les tables d'algèbre, etc., mais de le rendre moins austère, de le rendre plus concret, de montrer que les mathématiques, ça n'est pas juste de la pure abstraction à manipuler pour des enfants assez jeunes, mais que ça peut précisément s'incarner. Alors déjà je crois qu'on a un peu coupé les ponts déjà avec cette tradition très abstraite, et qu'on a des mathématiques qui sont beaucoup plus vivantes, beaucoup plus ancrées dans le réel aujourd'hui, dans l'enseignement. Donc il y a déjà l'enseignement lui-même est déjà devenu moins théorique, moins abstrait. Maintenant, il y a beaucoup de pratiques d'enseignants qui font encore davantage vers l'interdisciplinarité, vers de l'application. Et puis, il y a ce qui se passe en dehors de l'école. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les élèves qui nous intéressent, il y a l'ensemble de toute la population. Et justement, la semaine des maths commence lundi exactement pour ça. Vous allez nous en dire un mot. Comment ça s'organise, cette semaine des maths? C'est-à-dire quel type de public ça s'adresse? Qui vous voulez toucher avec cette semaine des maths? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde peut faire des maths. Tout le monde doit faire des maths, qu'il le sache ou pas, inconsciemment ou pas. Il faudrait que tout le monde s'y intéresse. L'événement a été fait pour rassembler un certain nombre d'initiatives qui existaient déjà. Des initiatives qui existaient dans les écoles, dans les lycées, typiquement. Si on regarde les Olympiades, des jeux concours, comme le jeu kangourou, ça fait 30 ans, enfin 28 ans qu'ils existent. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Mais aussi faire des initiatives à direction des familles, à direction des grands publics, des médias, des joueurs, des gens qui sont rétifs complètement aux mathématiques. Alors, juste, parlez-nous de quelques initiatives concrètement. Il y a plusieurs programmes. Alors, pour les gens qui sont à Paris, en région parisienne, il y a un gros événement qui se passe au Panthéon. Alors, c'est quelque chose de complètement exceptionnel et il faut dire merci à tous les gens des équipes du Panthéon, du ministère de la Culture, du Centre des Monuments Nationaux, d'avoir accepté de faire de l'animation mathématique dans le Panthéon. Certes, il y a bien quelques mathématiciens dans la crypte, ils sont 5 si j'ai bien compté, mais c'est pas le lieu où on s'attend à faire des maths, c'est pas le lieu où on vient faire des maths. Donc ça va nous permettre de toucher des gens qui sont des visiteurs occasionnels ou des gens qui sont simplement curieux pour venir faire des maths de manière un peu atypique, autrement qu'avec un exercice. Et parmi les activités qui sont proposées, il va y avoir quelque chose qui est quasiment unique pour le grand public. On fait le premier test grand public de réalité augmentée mathématique pour aller voir le mouvement brownien avec un dispositif de lunettes HoloLens. On va faire ça dans la crypte du Panthéon. Et alors, à quoi ça va ressembler? Expliquez-nous un peu, parce qu'on est à la radio, il va falloir mettre un peu d'image sur ce mouvement brownien en réalité virtuelle. On va travailler par petits groupes avec un médiateur. Chacun aura un casque avec lequel il verra en surimpression par rapport à la réalité extérieure des images. Ces images vont commencer avec un mouvement d'une petite particule qu'on va isoler, puis on va regarder quelques propriétés de cette particule. En particulier, on se posera la question de savoir ce que c'est la fractalité de cette trajectoire. Mmh. Donc on va pouvoir discuter. En même temps, on ajoutera des aspects historiques et des petites discussions sur les propriétés mathématiques, ce que sont les maths qu'on peut voir à travers ceci. Donc c'est un prototype de quelque chose qui se voudra grand spectacle à terme, mais aussi grande médiation, quelque chose qui soit à la fois intelligent et spectaculaire. Et là, pour la première fois, on propose au grand public et pas simplement à quelques experts de venir le tester réellement. Là, il faudra juste s'inscrire auprès du Panthéon pour pouvoir y arriver. Je crois que vous avez gagné Sylvain Guilbeault qui vous regarde avec. peut-être d'autres initiatives, alors pas forcément à Paris, puisque c'est une semaine qui se déroule sur tout le territoire français. Alors, juste un petit mot pour finir avec le Panthéon. Il y a aussi d'autres activités qui sont plus ludiques, comme la construction de polyèdres géants. On va faire des grandes sculptures mathématiques à l'intérieur du Panthéon, et c'est l'association Sciences Ouvertes de Seine-Saint-Denis qui vient les faire pour nous. D'accord, super. Il y aura aussi des conférences avec un YouTuber que vous avez déjà invité dans cette émission. Voilà, qui donc, The Science for All. Ah d'accord, ok, très bien. Voilà, donc il va y avoir énormément de choses, donc il faut regarder tout le programme, et d'ailleurs il faut regarder le programme sur toute la France. Alors parmi les autres événements un peu hors de Paris, voire très hors de Paris, il y a un festival que j'apprécie particulièrement au Castanet-Tolosan, donc en Haute-Garonne, là où il va y avoir pendant 3 jours et demi des animations, en journée plutôt avec des scolaires. Il est prévu qu'il y ait 1500 élèves de la maternelle à la terminale qui viennent faire des ateliers mathématiques jeudi et vendredi prochain. Et en soirée, il va y avoir des événements qui sont plus grand public, avec du cinéma, du théâtre, de la danse, mais aussi des conférences mathématiques. Tout ça va être un tout petit peu mélangé avec l'idée de faire des maths en dehors d'une salle de cours, en dehors d'un contexte de cours. Un autre événement peut-être qu'on peut citer, qui lui est complètement dématérialisé et qui est sympathique, il y a une chasse au trésor mathématique avec des énigmes qui ouvre justement aujourd'hui, vendredi. On a commencé à la faire d'ailleurs dans le bureau. Vous avez commencé. On a ouvert le coffre. Pour l'instant, il y avait qu'une seule énigme. Ouais. Elle était plutôt facile. Tout le monde a réussi dans le bureau, donc je peux vous assurer que c'est à portée de tout le monde. Il va y avoir des énigmes, donc c'est sur le site de la chasse au trésor du CIGM. Il va y avoir des énigmes de tout niveau, de l'émission, des enfants qui sont en primaire jusque des gens qui sont un peu plus avancés dans leurs études, un peu plus amateurs. Il y a toute une variété de questions qui vont être là pour jouer. Et le jeu est un bon vecteur pour faire des maths sans avoir l'impression de faire des maths. Mais alors justement pour conclure là-dessus, moi j'aime bien parce que quand on parle avec des mathématiciens qui sont venus à ce micro, qu'ils aient obtenu des récompenses ou non, d'ailleurs certains ayant eu la médaille Field, d'autres la médaille d'or du CNRS, etc. Ils nous disent tous quelque chose que moi j'aime beaucoup et que j'essaye toujours de creuser comme filon, et quelque chose qui évidemment rappelle pas tout à fait la façon dont on apprend les mathématiques à l'école ou au collège ou même au lycée. On nous parle souvent de la poétique des mathématiques ou de la source d'émotions esthétiques. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser là-dedans, c'est de redire et de remontrer à quel point il y a quelque chose d'ordre de la divagation, d'ordre poétique ou esthétique dans les mathématiques, et que voilà, ça fait partie du plaisir de faire des mathématiques. Alors, c'est à la fois quelque chose de très intéressant et sur lequel personne n'est d'accord. C'est-à-dire que le rapport au beau est vraiment quelque chose qui est intime et personnel. Le rapport à l'élégance. Moi, j'adore quand on me dit, ah, c'est une équation plus élégante, et d'essayer de comprendre ce que c'est qu'une équation, comment une équation est plus élégante qu'une autre. Ce qui fait que si moi, je vais vous parler d'une forme mathématique que j'adore et que je trouve belle et que je, voilà, et, ou si, je sais pas, un académicien va venir vous dire ce que lui trouve beau dans son métier, on va peut-être pas avoir le même sens du beau, les mêmes objets mathématiques qui sont beaux. Alors quand on parle à du grand public, là, je suppose que les gens qui vont venir et vont voir ces grandes sculptures de 7 mètres de haut dans le Panthéon vont avoir une émotion un peu esthétique. Enfin, je l'espère. Là, est-ce que ce sera la même que celle d'un mathématicien professionnel qui est en train de travailler ? Non. Mais chacun peut éprouver à sa manière un rapport au beau dans les mathématiques. Eh bien voilà, pour éprouver votre rapport au beau dans les mathématiques, ça se passe toute la semaine prochaine du 12 au 18 mars, et on vous met bien sûr toutes les infos sur cette édition 2018 de la semaine des maths sur le compte Twitter @laméthodefc. Et maintenant que vous êtes détendu et réconcilié avec les mathématiques, il est temps de résoudre les équations de la relativité générale. Vous êtes prêts ? Vous le savez, et pour ce faire, votre guide spirituel dans cette démarche s'appelle Sylvain Guilbeault. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Nicolas. Voilà votre mission, si vous l'acceptez, est donc de nous expliquer les trous noirs en 10 minutes. Oui, alors rassurez-vous, hein, je vais pas vous parler d'équations, au contraire, je vais vous parler de visualisation, d'images, puisque le thème du dossier de la recherche, c'est justement de voir les trous noirs. Bien sûr, ces trous noirs, au départ, ce sont des solutions, des équations de la relativité générale d'Albert Einstein, vous l'avez mentionné, mais justement, ça fait un siècle que ces trous noirs sont connus théoriquement. Ça fait, on va dire, depuis les années 70 que, observationnellement, on a des indices très forts qu'ils existent. Des indices, hein, toujours. C'est-à-dire qu'on... C'est ça. Bon, après, avec les ondes gravitationnelles, on commence à avoir des gros indices. Il y a vraiment plus beaucoup de personnes qui doutent de leur existence. Mais, ça fait environ aussi 40 ans qu'on arrive à faire des simulations numériques, de ces objets. Mais ce qui est intéressant, c'est que on attend pour cette année que soit dévoilée la première image d'un trou noir. Et ça, c'est... Alors, voir un trou noir, ça peut paraître paradoxal. Bon, il faut rappeler qu'un trou noir, c'est donc une zone vraiment très, très dense, très compacte de l'espace, qui est tellement compacte que l'espace-temps lui-même est déformé, voire déchiré à cet endroit. C'est pour ça qu'on parle de trou. Ce trou définit un horizon. Finalement, on peut définir un trou noir par son horizon, ce qu'on appelle l'horizon des événements. C'est-à-dire une frontière fictive. Mathématique. Ni matérielle, ni gazeuse, ni solide, mais qu'on peut franchir dans un sens, c'est-à-dire qu'on peut rentrer à l'intérieur du trou noir, mais on ne peut plus en sortir. Rien ne peut plus sortir une fois qu'on a franchi cet horizon, même pas la lumière, d'où l'aspect noir de ces objets, d'où le nom de noir, trou noir. Alors, c'est vrai que du coup, un trou noir devrait apparaître comme une espèce de sphère noire. Et pour le coup, observer une sphère noire, si jamais on est dans une région de l'univers où il n'y a pas d'étoiles, une sphère noire sur un fond noir... Ça marche pas très bien. Voilà, ça fait un joli tableau abstrait, mais on ne voit pas grand-chose. Ça fait du soulage. Exactement. Généralement, la plupart du temps, les trous noirs ne sont pas isolés. Ils sont généralement habillés, entourés de matière. C'est de la matière qui n'est pas rentrée à l'intérieur de cet horizon, mais qui a été attirée gravitationnellement et qui forme un espèce de disque autour de ce trou noir. Et donc, c'est vu les formes, les forces gravitationnelles énormes qu'il y a en jeu, cette matière tourne à des vitesses extraordinaires, elle est chauffée et donc elle émet de la lumière, des rayonnements caractéristiques. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu les indices des premiers trous noirs dans les années 60-70. C'est avec ce rayonnement caractéristique émis par cette matière dans l'environnement du trou noir. Et donc, voir un trou noir, ça consisterait à finalement voir l'ombre de cet horizon des événements se découper sur ce halo de lumière émise par la matière en train de tourner et d'être chauffée par le trou noir. Et donc c'est cette ombre chinoise qu'essaye en ce moment de détecter certains, notamment un télescope qui s'appelle l'Event Horizon Telescope, donc le télescope de l'horizon des événements, justement. Le EHT. C'est ça, dont on attend qu'il dévoile une image pour cette année. Et justement, le trou noir en question qui a été scruté s'appelle Sagittarius A étoile. C'est le trou noir central de la Voie lactée. Et là aussi, c'est le trou noir central jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que c'est le trou noir putatif du centre de la galaxie. C'est parce qu'on pense qu'il y a un trou noir supermassif au centre de toutes les galaxies, mais on n'en a pas de preuve directe pour le moment. Absolument. Et alors justement, comment se doute-t-on qu'il y a un trou noir au centre de la Voie lactée? Ben c'est parce que cette région qui donc émet une lumière notamment dans les ondes radio très fortes il y a un petit amas d'étoiles qui orbite autour de cette région. Et pendant au tournant des années 2000, donc pendant les années 90, et les résultats ont été publiés au début des années 2000, les gens ont scruté le mouvement de ces étoiles qui tournent autour de cette région centrale de la Voie lactée. Et donc en mesurant précisément l'orbite de ces étoiles, notamment une qui s'appelle S2, qui est l'étoile qui s'approche le plus de cette région centrale, et en appliquant, on va dire, les lois de Kepler, les bonnes vieilles lois de Kepler, qui donnent finalement, quand on mesure la période et l'orbite de ces étoiles, quelle est la masse qui finalement se trouve au centre, eh bien on trouve une masse de 4 millions de fois celle du Soleil, donc c'est énorme, et concentrée dans un volume si petit que finalement on ne voit pas ce qui pourrait concentrer autant de masse qui soit autre chose qu'un trou noir. Voilà, honnêtement, on peut toujours en douter, mais il faut vraiment être très pointilleux pour le faire. Et justement, on a parlé de l'EHT, il y a un autre instrument en ce moment qui s'appelle Gravity, qui lui est situé au Chili et qui scrute encore justement ces étoiles autour du trou noir dans l'espoir éventuellement d'en trouver une encore plus près. Qui pourrait du coup donner encore plus d'indications, notamment sur une preuve définitive que ça soit vraiment un trou noir, ça serait d'être sûr que toute la masse, donc ces 4 millions de masses solaires, est effectivement située à l'intérieur du diamètre de l'horizon des événements, qui pour Sagittarius A étoile fait quand même 25 millions de kilomètres de diamètre. C'est quand même beaucoup. Alors c'est quand même beaucoup, mais justement pour... Mais c'est pas énorme. C'est beaucoup par rapport à la masse. C'est ça. Et surtout relativement à la distance qui nous sépare de Sagittarius A étoile. Le centre de notre Voie lactée est situé à 26 000 années-lumière de nous. Ça fait des milliards et des milliards de kilomètres. Donc même si vous avez un objet qui fait 25 millions de kilomètres de diamètre, vu de cette distance, essayer de le détecter revient à essayer de voir une pomme depuis la Terre, une pomme qui serait posée à la surface de la Lune. Autant donné que même si vous avez avec vous, chez vous Nicolas, même si vous aviez le télescope Hubble, vous seriez incapable de distinguer une pomme à la surface de la Lune. Donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive à distinguer un objet qui angulairement apparaît si petit dans la voûte étoilée. Et donc ça c'est tout l'objectif de l'Event Horizon Telescope, le EHT. Puisque si on voulait faire ça avec un télescope d'un seul tenant, En fait, pour la capacité d'un télescope à discerner des objets très petits, c'est ce qu'on appelle sa résolution, elle augmente quand on augmente le diamètre du télescope. Plus vous avez un télescope, par exemple, avec un miroir très grand, donc qui collecte beaucoup de lumière, plus vous avez la chance de pouvoir distinguer un objet qui est petit. Alors, pour réussir à observer Sagittarius à étoile depuis la Terre avec un télescope, il faudrait un diamètre de 5000 km. Ce qui fait un gros miroir. Voilà. Mmh. Autant dire que c'est impossible de construire un miroir de 5000 km de diamètre. Heureusement, existe l'interférométrie. Absolument, Nicolas, vous avez tout à fait raison. J'ai travaillé. Et l'interférométrie qu'on appelle longue base, c'est-à-dire, on va combiner les données d'observation de télescopes qui sont situés aux quatre points du globe. Des télescopes qui sont situés en Espagne, au Mexique, aux États-Unis, à Hawaï, au Chili, en Antarctique. En Antarctique aussi, oui. Donc on observe avec tous ces télescopes en même temps. Ça fait plus que quatre coins. Voilà, ça fait effectivement plus que quatre coins, mais bon, comme le globe n'a même pas de coins. Vous êtes en train de faire frémir Roger Mansuit des coins de l'hémisphère, mon Dieu, et encore le globe n'est pas une sphère. Bref, on observe en simultanément avec tous ces télescopes la même région du ciel. Ensuite, on combine ces observations. Et c'est comme si on avait un télescope virtuel dont le diamètre était la distance qui sépare tous ces observatoires. Autrement dit, 5000 km. Mmh. Et donc, c'est ce qu'on fait les... Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est des calculs énormes. C'est des quantités de données monstrueuses. Voilà. On parle de pétabytes. Donc, c'est 10 puissance péta. Roger m'en suis. 15. Ça dépasse ce que peut prendre... Enfin, c'est comparable avec le nombre de données que peut prendre le collisionnaire de Hadron au LHC au CERN en une année. Sauf que là, c'est en une seule nuit d'observation. Et du coup, c'est très compliqué parce qu'en plus, il faut que toutes les conditions météorologiques soient optimales. Sur les fameux quatre coins qui dans tous ces endroits du globe. Oui. En plus, justement, il faut combiner ces signaux très précisément. À chaque observatoire, il y a des horloges atomiques très précises qui mesurent le temps d'arrivée des signaux au dixième de milliardième de seconde près pour ensuite pouvoir les combiner convenablement. Et puis, c'est tellement d'informations qu'on est obligé d'enlever les disques durs et de les amener physiquement. Voilà, ce sont des centaines de disques durs, ce qui explique qu'on n'a pas encore les images en temps réel. Mais c'est en cours d'analyse. Voilà, puisqu'en fait, en 2017, en avril 2017, les chercheurs ont réussi à avoir 4 nuits complètes d'observation à tous ces endroits du globe. Et elles sont en train d'être combinées, parce que bien sûr, il a fallu, comme vous le disiez, retirer ces disques durs, notamment en Antarctique, c'est pas facile, il a fallu attendre la fin de l'hiver en Antarctique, c'est-à-dire fin décembre 2017, pour pouvoir enfin les envoyer de façon sécurisée et les centraliser à la fois aux États-Unis et en Allemagne, où les calculs sont en train d'être menés. Et voilà, on attend pour cette année le résultat de cette image. Et en un mot, qu'est-ce qui se passe si jamais c'est cette première image historique d'un trou noir supermassif ne ressemble pas à ce que l'on imagine? Alors, ça serait très improbable, mais du coup, ça remettrait vraiment la relativité générale en question. Puisque, comme je disais, ça fait 40 ans qu'on simule ce qu'on pourrait observer dans un tel cas. D'ailleurs, c'est dans la recherche, on publie la première image qui avait été publiée en 1978, déjà dans la recherche par Jean-Pierre Luminet, qui est un des premiers en France à avoir simulé l'horizon d'un trou noir. Et justement, ce qu'on s'attend à voir, c'est ce disque de matière qui émet de la matière chauffée. Et on n'observerait pas vraiment un disque symétrique qui entourerait le trou noir, pas comme Interstellar. Interstellar a un peu triché, ils ont supprimé cette asymétrie pour donner une jolie image symétrique, mais du coup, on s'attend plutôt à voir un croissant lumineux d'un côté, et qui entourerait donc un disque sombre, c'est ça qu'on s'attend à voir. Si ça ne ressemble pas à ça, c'est qu'on peut se poser des questions sur la relativité générale. Eh bien, on arrive en quelques mots très rapidement, un tour de table de notre actualité scientifique, mais vraiment en deux mots et demi, Sylvain Guilbeault. Juste pour signaler qu'on a aussi un hors-série qui sort en ce moment sur le sommeil et les rêves. Sur le sommeil et les rêves. Et Caroline. Que nous avons un hors-série à Science et Vie qui sort également sur la chirurgie. Et Roger, ensuite, vous avez un hors-série sur... J'ai pas un hors-série, mais l'IHP fait une application pour tablette sur Enquête chez Poincaré, où on revisite avec Sherlock Holmes les mathématiques. Et ben, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter. Merci beaucoup à tous les trois. Caroline Tour, méditation et hypnose, les vrais effets en une de Science et Vie. Sylvain Guilbeault, voir les trous noirs en une de la recherche. Et Roger Mansuit, que vous pourrez retrouver certainement au Panthéon à partir de la semaine prochaine pour les animations de la semaine des maths. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Noémie Nagat-Saint-Vulfran, Sarah Higemans, Céline Nozel, Navetienne, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Stéphane Desmonts à la technique. En un mot, la suite de vos programmes sur France Culture dans un instant, c'est le magazine de la rédaction. Tout à l'heure, à partir de 18h jusqu'à 20h, c'est la dismoudre, le grain à moudre, la dispute en direct du Bel Air à la Maison de la Radio. Et pour ce qui nous concerne, pardon, la semaine prochaine, lundi, on parle de paludisme, mardi sera question de la chimie des océans, mercredi des écrans souples, jeudi de l'histoire des poisons, et vendredi nous serons en direct et en public du salon de Livre Paris à la porte de Versailles avec l'auteur de science-fiction Pierre Bordage. Ce sera lundi 16h jusqu'à preuve du contraire.